j'avais un frère au Vietnam, je lui parlerai de la France. Je lui dirai que j'ai la chance de rencontrer de jolies femmes. Je lui écrirai ce qu'elles disent et j'inventerai des prénoms qui lui feraient de grosses bises sur une carte du Panthéon. Ses copains et lui-même puissent encore croire en quelqu'un. Je lui dirai que ceux qui l'aiment parlent de lui de temps en temps, mais qu'ils l'embrasseront quand même quand il reviendra. Je l'entends rire quand même, c'est qu'il sera en bonne santé. Si j'avais un frère au Vietnam, je ne crierais pas dans la rue. Je lui parlerais de sa femme.